L'oratoire de Plougasnou. À Tromelin, maintenant, c'était fête tous les jours et l'équipage du Penbaz vivait dans la joie de ses triomphes. En effet, en quelques semaines de croisière heureuse, Torre et Pen venaient de capturer dans des conditions encore meilleures que la première fois, car il n'avait pas perdu d'homme et pas vu son cutter recevoir d'avaries, 5 bâtiments de commerce anglais diversement chargés. Le jeune corsaire montrait dans toutes ses sorties une adresse, une hardiesse et en même temps une prudence qui faisait l'admiration et un peu l'étonnement de ses hommes, surtout des anciens de l'équipage qui n'avaient pas été habitués à le voir aussi ménager de la vie des marins placés sous ses ordres. « M'est avis qu'il y a quelque chose de changé dans le commandant !» observa, un matin que le Penbaz croisait entre les Triagos et l'île de Bas, le maître d'équipage accoudé au bordage avec Yann Postek. « Le casse-cou d'autrefois s'assagit, conjurerait. L'Antoc, tu as raison, vieux Marsouin. On ne se risque plus aussi loin que par le passé. Moi, j'ai mon idée, qu'est la bonne, je crois. » Le maître d'équipage eut une expression narquoise en examinant la face rase et luisante du lieutenant. Il cligna de l'œil, questionnant. « Si je ne suis pas trop curieux, pourrait-on savoir ?» Postek riposta sans trop donner de détails. « Oh, il n'y a pas mystère. Le commandant est jeune, ça peut se deviner aisément. Il y a de la jeunesse là-dessous et voilà. Il n'aime plus s'éloigner pour trop de temps de ce pays qui le retient, le ramène comme s'il y avait jeté l'encre de son cœur. Ah ah, le v'là votre avis, lieutenant. Je vois ce que vous voulez dire. La corvette, hein? Celle qui nous a abordés par le travers en grand, toute voile dehors, bonnettes et cacatois, le jour de notre première sortie. » J'ai l'œil aussi, allez, tout comme un capiste que vous êtes. J'ai remarqué, moi aussi. Et il y a peut-être de ça. Je ne jurerai pas le contraire, mais ce n'est pas tout, pas suffisant. Il y a plus et autre chose. V'là mon sentiment, qu'est celui d'un vieux qui connaît le gars, croyez-le. Et le souvenir de ce nom de Guiznou, lu sur la dalle du cimetière de Saint-Jean-du-Doigt, lui revenait en mémoire, se rapprochant de celui d'Anne Guiznou, dont Postek rappelait la visite à bord. Y avait-il quelque rapport entre les deux choses? C'était ce que le maître d'équipage se demandait, sans pouvoir se décider à conclure. « Moi, ce que je trouve, maître, c'est qu'on se promène trop, qu'on n'a pas assez de mal et qu'on ne se bat pas assez, » intervint Kéribin, se mêlant à la causerie. Détendant ses bras herculéens, il ajouta « Ça se rouille à ne rien faire, ces barres dans ce pec-là. Voilà tribord !» Pierre Tanguy, debout sur le mât de Beaupré, accroché d'une main au cordage, l'autre en abat-jour au-dessus de ses prunelles d'oiseau de proie, venait de lancer ces mots. Une animation extraordinaire courut sur le pont. Tous se pressaient pour regarder, voir aussi, et des voix annonçaient avec une joie sauvage où perçait l'espoir du butin et de la bataille. « On va se battre peut-être! L'ennemi enfin !» Le paganisme, impassible, poursuivi de sa rauque intonation où passait du désappointement. « Voilà l'avant! Une autre! Deux! Trois! Quatre! » « Oh diable! C'est beaucoup pour le Penbaz tout de même, si gourmand qu'il soit !» conclut Poulzic, s'adressant à Kergustel. Au premier cri du quartier maître, Torre Pen était accouru, sortant de sa cabine, longue vue au point. Il braqua l'instrument sur les bâtiments qui grandissaient à vue d'œil, couverts de toile jusqu'à la pomme des mâts. Sans doute le cutter était signalé, car des signaux couraient et, visiblement, une évolution se produisait comme pour cerner le petit bâtiment. Le capitaine ricana. « L'escadre de Cherbourg, oh oh, c'est beaucoup d'honneur qu'on nous fait. Ils pensent nous couper de terre, sans doute, car ils se divisent. Mais ils ne tiennent pas encore Torre et Pen. » Et les commandements jaillirent de ses lèvres, donnant l'ordre de virer de bord et de prendre la chasse devant ses forces supérieures, en mettant dehors Foch, Trinquette et jusqu'à la voile de Fortune. En quelques instants, le cutter qui semblait dormir, aile repliée, tranquillement bercé par les lames, comme un grand oiseau se reposant de ses courses lointaines, déployant tout ce qu'il avait de toile à offrir au vent qui soufflait bonne brise, s'inclina sur bâbord, appuyé par le vent assez vif, coupa la mer de son avant en lame de couteau et se dirigea droit sur les chaises de Primel. Ce fut un spectacle extraordinaire que celui de cette lutte de vitesse entre les frégates, les brigs et les corvettes ennemies et ce minuscule bâtiment. Un moment, une corvette meilleure marcheuse prit la tête, gagna ostensiblement et arriva avant le cutter à hauteur de l'île de Bas. Son intention était d'obliger le corsaire à virer de bord pour l'empêcher d'entrer dans la rivière de Morlaix et de le rabattre vers le large où il fut devenu la proie de l'escadre. Thor Heppen comprit que la corvette allait toucher à l'extrême limite de son aire et qu'il lui faudrait courir un autre bord avant de tenir le penbase sous les canons. Il lança d'une voix éclatante « Timonier, attention à la barre! Cap sur la corvette en plein !» Ce fut un hourra sur le cutter, où le branle-bas de combat retentit presque aussitôt, lançant les hommes à leur poste de bataille avec une furie de bon augure. Cette attitude nouvelle parut avoir jeté le désarroi chez l'Anglais, cependant bien supérieur comme artillerie et comme vaisseau. Une maladroite manœuvre exécutée dans sa voilure l'immobilisa et lui fit perdre quelques minutes. Cela suffit au jeune corsaire pour passer hardiment à demi-portée de canon de l'ennemi et lui envoyer bordée à double charge de ses 7 caronades de tribord. La rafale de fer et de feu pointée à raser le pont fut si bien dirigée que le grand mât coupé à sa base s'abattit avec un fracas épouvantable, masquant de ses débris et de ses voiles une partie des embrasures et de la muraille de la corvette, empêchant l'Anglais de riposter. À bord du penbase, des cris d'enthousiasme accueillirent ce succès inespéré et, glissant de son vol léger de grand oiseau, le cutter prenant le vent s'éloigna, tandis que la corvette essayait hâtivement de réparer ses avaries et envoyait un seul coup d'une de ses pièces de chasse pour essayer de répondre. Le boulet enfila le pont du cutter dans toute sa longueur, sans toucher un homme ni une manœuvre. « Trop tard, la belle, nous v'la parée !» ricana Kéribin. « Ah, si tu n'avais pas derrière toi tous ces grands flandrins pour te secourir, ce qu'on aurait du plaisir à t'aborder en grand !» Il levait le poing avec menace. Un instant, ça avait été la pensée secrète du capitaine. Mais il avait eu la sagesse de résister à cette tentation d'amariner un bâtiment de guerre qui lui eût peut-être coûté une partie de son équipage pour être mené à bonne fin, sans compter les risques de se voir assailli ensuite par le reste de l'escadre. Il avoua tout bas au maître d'équipage, confirmant ainsi la conversation que celui-ci venait d'avoir avec le lieutenant. « Hein, Nantoc ? Autrefois nous l'aurions eu, la jolie fille, malgré ses grosses dents. Mais il faut de la raison. » Le vieux marin fit, philosophiquement, « On devient sage. Vous v'la mûre pour le mariage, mon commandant. » Le jeune homme eut un léger sursaut, sourit, rougit un peu, et haussa les épaules, murmurant en lui-même « Vieux diable de l'Antoc, va !» Le même soir, le penbase reprenait son ancrage au fond de l'anse de Primel, et l'équipage, ayant permission de taire jusqu'au lendemain, se répandait à travers le pays, racontant l'escarmouche qui venait d'avoir lieu et vantant son hardi capitaine. Ce n'était nullement le hasard, mais des ordres express de l'amirauté qui avait conduit l'escadre anglaise en force inusitée dans ces parages. En effet, depuis la prise du City of Plymouth et des autres bâtiments de commerce capturés en un si court espace de temps dans cette région, l'Angleterre s'était émue tout entière de ce qui se passait. Elle comprit le danger qu'il y avait pour elle à laisser s'établir ainsi une base d'opération contre elle en un endroit de la côte de France qui n'était pas éloigné de plus de 20 lieues de Plymouth. À Londres, la presse s'en était mêlée. Déjà, à différentes reprises, le Moniteur universel, reproduisant des articles, des notes relevées dans des journaux anglais, avait prouvé à quel point on se préoccupait de ces escarmouches. Quand Thor Heppen arriva ce soir-là à Plougasnou, il trouva Pierre-Marie Guisnou, Guyadère, Joseph Carne, Morvan et Barzic, attablés au débit voisin de la maréchalerie Lescoff, dans une exaltation extraordinaire. Dès qu'on l'aperçut, on le héla. « Ah, il est fameusement question de vous dans les feuilles, à cette heure !» cria Gizmou en agitant les journaux qui venaient d'arriver et citait des extraits de journaux anglais. Il y en avait de plusieurs jours. Les premiers signalaient l'apparition d'un nouveau corsaire sur les côtes de France, dans les eaux de la rivière de Morlaix, à l'occasion de la prise du City of Plymouth. On mettait « corsaire inconnu, bâtiment paraissant être un cutter ». Mais un dernier article était intitulé « Le Scylla de Primel ». « Vous v'la passez dans les monstres marins, commandant ?» ajouta Guyader. Le jeune capitaine eut un sourire. Ils ne savent pas à quel point ils me rendent heureux et fier. Et il raconta dans tous ses détails ce qui venait de se passer, cette menaçante manifestation à laquelle il avait si brillamment échappé. Tout s'expliquait pour lui. Il lui fallait bien se rendre à l'évidence. C'était contre lui, contre son malheureux petit cutter de 14 caronades, que l'altière Albion venait de lancer toute une flotte. Il termina. « Ça leur coûtera une corvette à réparer. » Voilà. Mais il comprit à quel point autour de lui cet article avait de portée par l'accueil enthousiaste qu'on lui faisait, par les regards d'admiration dont on caressait sa jeune gloire et par l'importance plus grande encore qu'on donnait aux actes accomplis par lui. Certainement, à Plougasnou, on avait été joyeux de ses victoires, mais c'était plus encore le côté matériel des prises qui avait jusque-là contribué à le placer, pour les gens de l'endroit, sur une sorte de piédestal. La haine de l'Angleterre s'attaquant directement à lui, mobilisant presque une escadre pour le réduire, l'exauça encore dans l'opinion, et ceux qui l'avaient admiré comme un rude compagnon, comme un matelot supérieur, roi ou empereur des corsaires, eurent pour lui une sorte de respect superstitieux. Il devenait héros de légende, presque la divinité protectrice du pays, comme un de ces grands saints de l'Armorique ancienne, tueurs de dragons et sortis eux aussi brusquement de la mer, les uns venus dans des auges de pierre comme Tuc du Hal ou Saint-Paul ou Mériadec ou Guénolé. Eh bien, reine en sabots peut être fière de son filleul, la brave enfant, appuya Guyader qui ajouta « Tout à l'heure, je l'apercevais qui semblait se diriger vers l'oratoire. » Et il soupira « Toujours en prière, la petite sainte. Enfin, quand elle saura ça, ce qu'elle sera heureuse. » Le jeune homme avait entendu. Il n'avait plus qu'un désir, quitter ceux qui le fêtaient, retrouver Anne, lui conter sa joie. Au bout de quelques instants, sous un prétexte, il put prendre congé des amis qui continuaient leur lecture, leur discussion, sans plus s'occuper de lui. La nuit allait venir. Le soleil, très bas, descendait vers Saint-Paul-de-Léon, Roscoff. Le capitaine traversa le cimetière, gagna la petite route de traverse menant à Saint-Jean-du-Doigt qu'il se rappelait si bien. L'oratoire, c'était le monument qu'il avait vu en passant alors qu'il s'y était rendu pour la première fois avec son maître d'équipage. Il retrouva aisément son chemin, s'engagea entre les dernières maisons de Plougasnou, déboucha au milieu des champs. Là, devant lui, dans la douceur du crépuscule commençant, le petit édifice se dressait, caressé d'un dernier reflet de soleil réverbéré par les nuages. Tout était désert. Il avança, essayant de distinguer et ne voyant que la masse de la minuscule chapelle se profilant sur le ciel. Quelques pas encore, il n'osait plus s'approcher, pris d'une brusque timidité, d'un doute terrible, comme s'il se fût senti arriver à l'instant le plus grave de sa vie. La lueur du jour, empourprée par le couchant, baignant l'édicule, ne permettait pas de distinguer nettement son intérieur. Cependant, les prunelles perçantes du jeune marin y devinèrent une forme dans les demi-ténèbres. Il appuya la main sur son cœur, murmurant « Elle, c'est elle, Anne, ma chère petite Anne. » Doucement, il se rapprocha, évitant de faire crier le gravier sous ses pieds, et put se placer à quelques mètres à peine du petit monument dont la forme de tombeau antique d'Asie mineure est si curieuse, avec son toit courbe, ses pilastres, ses cariatides énigmatiques représentant un homme et une femme dont le corps se termine en doubles serpents enlacés. Debout devant le petit autel de pierre que surmontent trois vieilles statues, il la reconnut, la tête levée vers la statue de gauche qui représente la Vierge tenant l'enfant Jésus. C'était bien Anne Guizmou. Il avança encore, appela doucement. « Anne, c'est moi. » Elle se retourna, le reconnut et murmura avec une sorte d'embarras et de joie mélangée. « Vous, je vous espérais, sans oser le croire. Vous, ici, à ce moment, c'est le ciel qui le veut. » Il se précipita et, lui saisissant les deux mains, fit un mouvement pour les porter à ses lèvres, avec un regard suppliant et hésitant. Elle inclina son front, approuvant. « Oui, maintenant vous pouvez. » Il couvrit les chers doigts de baisers avec des exclamations entrecoupées, n'osant pas croire à son bonheur. Mais la jeune fille, en une sorte d'extase heureuse, promenait de l'autel au jeune homme la lueur de ses yeux bleus. Et comme il l'interrogeait du regard, muet de joie, elle dit « Le miracle, souvenez-vous, comme le jeune homme de la légende, il a eu lieu, c'est en moi que vous l'avez apporté. » Et comme il la regardait toujours sans parole, le cœur bondissant, elle indiqua à droite de l'autel une petite excavation où l'on apercevait des cheveux de toutes nuances. Parmi eux, une boucle bien reconnaissable pour les yeux de Thor Heppen, toute lumineuse et dorée, avec sa couleur de blé mûr, et déposée tout au bord, la dernière, nouée d'un mince ruban blanc. « Connaissez-vous la légende de cet oratoire ? Non ? Eh bien, toute jeune fille qui désire se marier dans l'année doit couper une mèche de ses cheveux et la placer ici sous l'invocation de la Vierge. Notre-Dame de Lorette est si indulgente qu'elle exauce toujours cette prière. » Sous la coiffe blanche, il reconnaissait une petite place où se voyait très nette la marque des ciseaux. Il balbutia. « Alors c'est vrai, vous mariez, vous, et je pourrais croire, espérer ? C'est cela que vous vouliez dire l'autre jour à Saint-Jean-du-Doigt ? Anne, Anne, ma douce des douces, chère adorée petite reine en sabots, vous consentiriez à m'épouser, moi, le malheureux sans nom ? Chut, fit-elle, c'est un miracle, vous savez bien. Ne cherchez pas à savoir comment ni pourquoi il a lieu. » L'ombre s'épaississait. Elle passa près de lui, comme un léger fantôme, lui jeta de loin un geste de ses doigts fins, comme un baiser, et s'éloigna dans la direction de Plougasnou, tandis qu'il demeurait, fou de bonheur, dans l'oratoire, en contemplation devant la boucle dorée.